La dégoûtée de ce monde, sous la lampe un dernier songe, j'entends ta voix malgré tout ça et tes mots, respecter l'autre. 'Cause in all the worlds I've come upon, I never saw another one that sparkled like your diamond in the sun. La chambre m'aime et sans pitié, le paradis tombe à mes pieds. Pourtant, we know, ta voix dit jamais. N'oublie pas, conduite par une étoile. Jamais n'oublie pas, I promise we'll go on. Un point dans l'univers, it's a love that's everywhere. Jamais n'oublie pas, c'est toi. Déjà vous.